Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Léviathan et vous écoutez l'actualité de septembre qui concerne le G7 et qui a été présentée par Carolina. Bonne écoute. Alors, pour bien commencer cette rentrée, Carolina, tu vas nous parler du G7. Exactement. Fin août, les chefs d'État de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, du Japon, de l'Allemagne et de l'Italie se sont réunis en France pour le G7 qui, je rappelle et je cite le site web de la Commission européenne, a été créé en 1775 en tant qu'enceinte informelle réunissant les dirigeants des pays les plus industrialisés au monde. Au fil des années, les sommets annuels du G7 se sont transformés en une plateforme visant à déterminer le cours du dialogue multilatéral et à élaborer des réponses politiques aux enjeux mondiaux. Le G7 complète le rôle du G20, qui est largement considéré comme le cadre pour la coordination des politiques économiques au niveau mondial. Je rappelle également qu'à la base c'était le G8, la Russie y était incluse. Alors si on regarde la déclaration conjointe à la fin des deux jours de réunion, elle reste malgré tout assez succincte. Ils parlent de commerce, dans lequel ils évoquent une volonté de changement en profondeur de l'Organisation mondiale du commerce, et je cite « afin d'être plus efficace dans la protection de la propriété intellectuelle, de régler plus rapidement les différends et d'éradiquer les pratiques commerciales déloyales ». Ils évoquent l'Iran, l'Ukraine et Hong Kong, pour lesquels il y a à peine une ligne qui disent globalement « pas d'armes nucléaires pour l'Iran, l'Allemagne et la France qui vont organiser un sommet pour parler de l'Ukraine » et l'importance de la déclaration sino-britannique pour Hong Kong. Et globalement, l'objectif, c'est un message de paix. Il n'y a qu'à l'égard de la Libye que plus a été écrit, mais qui tourne autour de la volonté de paix et annoncer le soutien à la mise en place d'une conférence interlibyenne. Donc quand on regarde juste ça, ça a l'air un peu vide quand même. Oui, alors il faut bien se souvenir qu'au dernier sommet du G7, il n'y avait pas eu de déclaration commune, vu que Donald Trump avait décidé de ne pas y adhérer. C'est déjà une avancée. Mais je suis persuadée que tu peux nous parler de quelques points intéressants particuliers sur ce G7. Oui, justement, quand on regarde de plus proche ce qui s'est passé, il y a quand même des points qui sont intéressants à mettre en valeur. Alors, déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la France et les États-Unis, à la fin de l'été, étaient en situation de tension à cause de la taxe GAFA imposée par la France. Lors du G7, par contre, un accord a été atteint, où l'objectif serait de moderniser le système fiscal international de façon à ce que la France paye aux compagnies affectées par la taxe la différence entre le montant de la taxe et le nouveau mécanisme prévu. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais Macron a affirmé qu'ils sont mis d'accord pour travailler ensemble de façon à sortir des difficultés qui existent entre nous, je cite. Bref, en tout cas, tout ça fait référence à une des choses annoncées dans le communiqué de presse, c'est-à-dire la volonté de changer l'Organisation mondiale du commerce, dans lequel d'ailleurs a aussi été évoquée la question de la guerre de tarifs entre les États-Unis et la Chine, et leur volonté à peut-être trouver un accord. Bon, cela n'a pas empêché Trump d'annoncer depuis qu'une nouvelle taxe serait imposée sur des produits chinois avant la fin de l'année. Mais ça, c'est toute une autre question. Pour rester dans le thème de Trump, le G7 a également été la première fois que Trump et Boris Johnson se sont rencontrés depuis la prise en fonction officielle de ce dernier. Peu de choses en sont ressorties, mis à part le fait que Johnson essaie clairement d'équilibrer les volontés de Trump, qui est un de ses grands alliés, avec les volontés des Européens qui restent malgré tout encore des partenaires avec qui il aura affaire quelque temps encore, je pense, et le Brexit étant lui aussi toute une autre question, comme vous le savez. De son côté, Macron a été un peu la star de ce meeting, mettant en avant plusieurs initiatives qui l'ont mis au centre de l'attention. Alors tout d'abord, il a tenu en parallèle du G7 une réunion avec le ministre des Affaires étrangères iranien, et a par la suite affirmé que des conditions avaient été créées pour la mise en place d'une réunion entre Trump et Rouhani, et que d'ailleurs celle-ci pourrait avoir lieu dans les semaines à suivre. C'est également Macron qui a mis en avant la volonté des nations du G7 d'apporter leur aide financière au feu de l'Amazonie, qui, vous avez dû le voir, a été finalement rejeté par Bolsonaro. Et il a aussi annoncé que la France pourrait aussi apporter son aide militaire vis-à-vis de la question des feux de l'Amazonie. David Andelman, journaliste et écrivain, a noté que cette session de G7 a été assez différente de celle de l'année dernière, comme Océane vient de l'évoquer, dans laquelle Trump avait réussi à complètement dérailler le rendez-vous pour se concentrer sur les questions qui l'intéressaient et aussi en tant que démonstration de force. Le journalisme met alors en avant deux raisons pour lesquelles cette fois ça a pu être différent. La première, c'est que Trump a pu se rendre compte que ses actions la dernière fois n'ont pas vraiment été utiles, elles n'ont pas vraiment abouti à des résultats. Et puis, de leur côté, les autres représentants d'État savaient déjà aussi à quoi s'attendre et ils ont pu être un peu plus unis. Macron est également mis en avant dans la presse et il a été vu un peu comme celui qui a réussi à contrôler toutes les questions, qui a pu gérer tous les problèmes qui auraient pu survenir. À noter que cela est aussi probablement dû au fait que la France soit le leader de la présidence du G7 jusqu'en janvier 2020, qui sera suivi par la présidence américaine, ce qui pose d'ailleurs quelques questions. À la fin, ces deux jours de réunion étaient une victoire diplomatique pour Macron et la France, notamment au niveau de la diplomatie publique, c'est-à-dire l'image internationale. Cependant, pour l'instant, les choses qui en ressortent restent vagues et peu concrètes. Il va encore falloir attendre de voir ce qui en ressort dans les mois à venir. Il faudra aussi rester attentif à comment se déroulera le prochain sommet sous Trump, qui risque d'être un sommet G7 atypique d'après les quelques informations que nous avons déjà. Oui, il faudra aussi se poser la question de la Russie, parce que comme tu l'as évoqué, avant c'était le G8 et pas le G7, la Russie ayant été mise de côté depuis 2014. La France essaye de tendre la main, c'est une nouvelle politique d'Emmanuel Macron à la Russie. Est-ce qu'on peut imaginer que la Russie reviendrait dans les sommets et reformerait un G8 dans les années à venir? Ça, c'est aussi une autre question qu'on peut se poser. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.